J'ai choisi comme sujet Maître Marc Bonan, invité de la rédaction du 26 minutes le 16 janvier 2016. Dans cette émission, un journaliste, Vincent Veillon, interview Marc Bonan, avocat réputé au barreau de Genève, et Vincent Cuchol, lequel se fait passer pour un autre avocat, Maître Bardet. Il faut savoir que Maître Bonan a un langage très élevé, contrairement à Maître Bardet. Ce dernier a en effet pour but de tourner le Genevois au ridicule. On sera donc confronté à deux univers totalement opposés, bien que ce soit en finalité le même métier. L'opposition entre Lausanne et Genève, les mœurs et la façon de parler sera également démontrée. Pour commencer, on remarque que Maître Bardet n'a pas une grande maîtrise de la langue. Il parle de façon courante, même familière. Jurer n'est pas un problème pour lui. Il dira entre autres « fuck quoi ». De plus, il tentera d'imiter Maître Bonan, mais en finalité, sa phrase n'aura aucun sens. Ses phrases ne sont pas bien construites, il n'y a aucune recherche. S'il était avec un ami, il parlerait probablement de la même manière. Maître Bonan relève très bien que son confrère est lourd. Il n'y a absolument aucune finesse dans ses paroles, ce qui créera une grande différence entre ces deux avocats. Maître Bonan est effectivement défini par sa finesse, par la recherche de sa langue et par son intelligence. Le journaliste le dit lui-même, le Genevois a probablement lu plus de livres que tout le public réuni. C'est un homme de savoir. Patrick Dujany le tournera lui-même au ridicule en lui demandant des explications sur une phrase absolument incompréhensible, sauf probablement pour lui. Tu dichotomises l'abduction de la sérendipité. Ce dernier répondra alors que pour lui, plus il se réfugie dans les mots, plus il portera. Il est donc caractérisé par l'incompréhension et le niveau très élevé de son langage. Pourtant, il recherche cela. On sent bien que cet homme est conscient de son savoir, il estime être un grand homme. À mon avis, il joue sur cela, c'est un peu sa carte de visite. Un langage difficile à comprendre montrant son génie. Il faut quand même relever qu'il a une très haute estime de lui-même. Finalement, le journaliste joue un peu le rôle de médiateur. Il joue le rôle d'une personne sachant adopter un niveau de langue adapté selon la situation. En effet, on assiste ici à la discussion de trois personnes. La première, Maître Bardet, est une personne ne sachant pas vraiment se tenir en société, incarnant la lourdeur. Maître Bonan, lui, est la finesse même, l'intelligence, le savoir, le tout avec un langage extrêmement recherché et élevé. Et finalement, Vincent Veillon, le journaliste. Son niveau de langue est normal. Il ne tombe dans aucune extrême. Il fera donc office de médiateur entre deux personnes que tout sépare, même si leur domaine de compétence est le même. Dans cette interview, on va donc faire face à Maître Bonan, qui démontrera la classe et la finesse de son horizon. Pour lui, être avocat, c'est être là pour aider les gens, les soutenir dans leurs problèmes. Par contre, pour Maître Bardet, c'est juste pour le pognon. Rien que cette différence montre à quel point ces deux individus ont des façons de voir les choses opposées. Par la suite, on fera face à une suite d'objets de désaccord entre ses avocats. Maître Bonan reprochera également à son confrère sa lourdeur. Je vais donc maintenant choisir un extrait de chaque personne et l'analyser afin de bien démontrer ces différences. La première phrase vient de Maître Bonan. Je pense qu'il y a les réseaux sociaux, il y a certainement des âmes racornies et aigriviles, tout au bonheur de pouvoir déparler. Et puis il y a des ressentiments, des méandres qui fera qu'on trouvera sûrement des personnes pour dire des choses abjectes. Ma première observation dans cette phrase est le nombre d'adjectifs utilisés et la qualité de ceux-ci. Il utilise également de nombreuses phrases relatives, ce qui provoque de longues phrases avec beaucoup de connexions. Cela démontre également des réflexions poussées. On relève également que le vocabulaire utilisé est atypique. Une personne ayant un langage courant dira plutôt « on trouvera sûrement des personnes pour dire des choses horribles » ou encore « personne heureuse de pouvoir cracher leur venin », etc. Maître Bonan a donc un langage se distinguant du langage courant. Il utilise un langage très soutenu. Mon second exemple est tiré de Maître Bardet, alias Vincent Cuchol. Les études, il faut se les farcir, c'est un peu un apprentissage de luxe. Vous êtes d'accord avec moi, c'est du bachotage, de l'appris par cœur, une réflexion néant, un peu de latin pendant une année pour se mettre aux bases du droit romain. Ouais, ça c'était chiant, vous avez sans doute morflé autant que moi. Donc il faut bien mériter cette gageure, sans compter qu'après il y a la pratique. Écouter des clients pernichés, potasser des textes de loi pendant toute la journée, côtoyer des magistrats qui sont quand même les plus sinistres êtres humains que la terre porte. Vous êtes d'accord avec moi? Franchement, s'il n'y a pas le pognon, fuck quoi. Il est déjà nécessaire de ne pas oublier que Vincent Cuchon interprète un rôle dont le but est de bien démontrer la différence entre leurs deux univers et tourner au ridicule la façon de se comporter et de parler de ce dernier. Cet exemple démontre clairement que le langage utilisé est le langage familier. Il utilise des mots tels que chiant, morflé, pleurnicher, pognon, fuck quoi. Le deuxième élément frappant est la construction des phrases. Celles-ci sont simples, claires, parfois sans réelle ponctuation. Il aligne ce qu'il veut dire à la suite sans rechercher à y donner un peu de relief. Ce qu'il pense, il l'exprime tel quel, avec un ton naturel. Mon dernier exemple vient du journaliste Vincent Veillon. Quoi qu'il en soit, on découvre en marge de cette affaire un monde fait de jets privés, de suites de luxe dans les palaces, d'escortes girls et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est assez cool votre job en fait, non? Par cette phrase, on comprend que le journaliste cherche à aider Maître Bardet à titiller Maître Bonan. Le langage du lourd journaliste est un langage moyen. Il est le milieu entre deux extrémités. Le vocabulaire utilisé est un vocabulaire courant, sans être familier. Il sait trouver la limite et ses phrases démontrent une réflexion sans trop de complications. Il incarne la simplicité et la normalité.